Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Sobeka. Voyez donc.